d'ailleurs le ministère. La justice de Dieu n'est que pour un tenseur. Je veux faire plus qu'avec que Salomon et plein d'autres encore. Bref, je laisse, passons. C'est toi qui connais tout, révélation, onction, parole, délivrance, parler en langue, discernement. Yeah, mais quel est l'état de l'âme? Dis-moi, mais quel est l'état de l'âme? Sache une chose, la justice de Dieu va s'appliquer et tout sera mis à nu. Rien ne sera caché ni sous la terre, sous la mer, dans le premier, deuxième ciel, tout sera livré. Attention car Dieu n'est pas corruptible, bien aimé. Débauche, adultère, fornication, envoûtement, dépôt des armes face aux assaillants. Facilité, prostitution, mensonge, manipulation, dissimulation et faux semblant. Tout ça là, on te retrouve dedans. Après t'essuies la bouche comme si t'avais rien fait, comme si t'étais pas là. Bien aimé, Dieu te voit, faut quitter dans ça, hein, faut quitter dans ça. Hallelujah, the King of the King, the Lord of the Lord, Jesus, à lui seul soit la gloire, man. Amen.